Chapitre 47e, la pêche aux éléments. Comme souvent dans ce genre d'affaires, Dutilleul avait eu bien du mal à décrocher le combiné téléphonique qui se trouvait devant lui. Pourtant, il savait qu'il devait le faire. Il le devait à Marion Chardy. Après tout, ce n'était qu'une toute petite vérification, un tout petit élément, mais qui pouvait se révéler décisif. Ainsi, il pourrait mettre un point final à son enquête. Il espérait encore se tromper, même s'il n'y croyait pas un instant. À contre-cœur, il se décida à composer le numéro de la SNCM. Il fut rapidement mis en relation avec le service des enregistrements. À vrai dire, la chose ne posait aucune difficulté. Le commissariat avait très souvent des rapports avec la compagnie maritime et une certaine proximité s'était établie au fil des années. À défaut d'être cordiaux, les rapports étaient respectueux, car chacun avait besoin de l'autre, les vérifications étant courantes. À l'autre bout du fil, une voix féminine répondit à Dutilleul et après quelques minutes de discussion, il apprit que Osinmani avait bien acheté un aller simple pour l'Algérie le 22 février 2003. La traversée était prévue pour le 22 mars. L'embarquement devait se faire à Marseille. Dans l'esprit de Dutilleul, le scénario achevait de se mettre en place. Osinmani avait très minutieusement préparé son affaire. À présent, il était pratiquement sûr que l'achat du téléviseur avait probablement tout déclenché. Un autre point fut confirmé dans la journée. Maître Gerson avait tenu parole. Dutilleul reçut un appel de son neveu, un certain Dominique Salvia, qui lui confirma avoir cédé son scooter à Osinmani pour une somme symbolique. L'entretien avec le garçon ne manqua pas d'intérêt. Entre vous et moi, monsieur le commissaire, je me suis souvent demandé pourquoi Osin voulait absolument racheter mon scooter. La fourche était salement tordue et il était difficile de tenir dessus. En plus, il était plein de boue, car je n'avais même pas eu le temps de le nettoyer. Comment a réagi Osin ? Il s'en moquait, éperdument. Il m'assurait que son cousin bricolait un peu et qu'il pourrait très certainement le réparer. Il semblait si sûr de lui que j'ai fini par accepter, mais c'était à contre-cœur. Vous souvenez-vous quand vous le lui avez cédé ? Oui, parce que c'était en plein milieu du mois de janvier, et qu'il faisait un temps à ne surtout pas mettre un scooter dehors, si vous me permettez l'expression. Aussi, il a dû beaucoup insister pour que je le lui cède à ce moment-là, parce que je ne voulais pas qu'il ait un accident à cause de cette maudite fourche. Vous comprenez, il avait gelé le week-end précédent. Il avait beau dire que son cousin allait redresser la fourche en moins de deux, je n'étais pas tranquille, d'autant que j'aimais bien Osin. Vous avez eu l'occasion de travailler avec lui ? Oui, parce que je suis assez souvent appelé en renfort au cabinet. Mon oncle aime avant tout travailler en famille. J'ai rapidement sympathisé avec lui parce qu'il faisait du bon boulot. Vous rappelez-vous en quelles circonstances vous avez tordu la fourche ? Je ne risque pas de l'oublier. C'était complètement stupide. On faisait du cross avec les cousins du côté de Fontainebleau. Il pleuvait, la boue était collante, une véritable horreur. Je n'ai vu la pierre qu'au dernier moment, et j'ai eu beaucoup de chance de ne pas tomber. Mais j'ai bien senti que le scooter avait pris un vilain coup. Vous n'auriez pas conservé une copie des papiers du scooter, par hasard ? Eh bien si, en fait. Je ne me sentais vraiment pas tranquille alors. Je peux aussi vous dire où et quand je l'ai acheté. Dutilleul poussa un ouf de soulagement et remercia intérieurement l'initiative du garçon. Effectivement, cela m'aiderait grandement. Je peux me déplacer si vous voulez. Non, je vais passer. Merci encore pour votre coopération. De rien. Mon oncle vous classe dans la catégorie des chic types. Une fois ces éléments communiqués, il ne fut guère difficile de rendre son identité au scooter. Au magasin, on fit bien un peu la moue quand Dutilleul demanda à consulter les registres, mais on finit par condescendre à les lui présenter. À la lumière de ces nouvelles informations, le scooter peut être examiné à nouveau. Grâce, d'une part, aux papiers fournis par l'ancien propriétaire et, d'autre part, au descriptif technique complet, il fut enfin possible d'affirmer sans l'ombre d'un doute possible qu'il s'agissait bien du scooter acheté par Dominique Salvia et cédé ensuite à Osinmani. Dominique Salvia avait même reporté la date de la transaction au dos de la photocopie, le 18 janvier 2003. Dernier indice concordant, de la boue séchée avait été prélevée sur les montants du scooter. À présent, Dutilleul pouvait avancer sans trop de risque de se tromper que Osinmani était non seulement l'assassin de Marion Chardy, mais encore qu'il avait agi avec préméditation en se débarrassant préalablement de son cousin.